joue. D'être au moins pénible que Michel Sardou. QSM progresse vers la répugnance. QSM te perturbe avec forte insistance. Comme une bombe qui tombe dans ton bol de soupe. Au Tintin, Ratintin et Titi, il préfère Paul le Poulpe. QSM fait déborder la guimauve dans un monde aseptiseux. QSM s'oppose à la sensiblerie largement installée comme un 4x4 qui colle ton pare-choc arrière. QSM t'irrite, QSM te vénère. QSM est inutile et on s'en passerait bien. À coups de riff malsain et d'arpèges assassins, comme un voisin bruyant qui t'empêche de dormir. Pire que Jean-Luc Reichmann et la gaffe, bien pire. QSM se fout de tout, ouais, comme de l'an 40. QSM est une sirène, on ne peut plus stridente. Comme une bombe qui tombe dans ton bol de soupe. Oh, Tintin, Ratintin et Titi, ils préfèrent Paul le Poulpe. QSM fait déborder la guimauve dans un monde aseptisé. QSM s'oppose à la sensiblerie largement installée. Comme un paix bruyant au milieu du repas. QSM ne s'astreint à aucune loi. QSM dérange les sens et la pensée unique à coups de riff violent. QSM